cuisine équipée. Bienvenue tout le monde, c'est l'émission Le Grain de Sable, c'est le nouveau thème, je me suis amusé cette semaine, entre autres avec le logiciel Audacity, je vous le plug comme on dit, c'est un logiciel gratuit, libre licence qui permet de traiter les sons, etc., etc. Donc l'émission Le Grain de Sable, si vous le savez, tous les samedis à 13h, l'émission c'est le mouvement l'Association pour une taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne qui est le mouvement ATTAC, donc ATTAC Québec. Cette semaine, on fait un peu un spécial revue de l'année. Je vous rappelle qu'à l'émission, on joue beaucoup de musique aussi. C'est pas juste nous qui parlons pendant une heure, je vous rassure. Et on commence d'abord dans la première demi-heure, Étienne Blondeau, de notre équipe, son micro n'est pas ouvert, excusez, va nous faire des prognostics et parler un peu de la politique au Québec, pas juste au Québec, là, mais pour 2014-2015. Et dans la deuxième moitié, on va faire une brève revue des grands mouvements populaires qu'il y a eu à travers le monde en 2014. On parle aussi du Québec, mais on trouvait ça important. Et, bougez pas, on va commencer en musique. Avec la chanson « Don't Give Up » de Peter Gabriel avec Kate Bush. C'est pas une nouvelle chanson, on s'entend, mais je trouvais que ça va bien avec le temps des fêtes. Il y a un petit côté existentialiste dans la chanson. Je pensais entre autres aux gens qui sont seuls là, durant le temps des fêtes. Et je pensais aussi au fait qu'à l'émission, on essaie d'être axé sur l'espoir, d'être optimiste. Hein. Si on vous parle des problèmes dans le monde, c'est pas du tout dans une optique déprimée, aucunement. On croit beaucoup que les êtres humains sur la Terre sont capables d'être responsables et qu'on va s'en sortir. Alors la chanson « Don't give up ». In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. No one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know. Thought that I could be a fainted. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down. Don't give up, 'cause someone too much. It's gonna be all right. When times get rough, you can't fall back on us. Don't give up. Please don't give up. Bienvenue à l'émission Le Grain de Sable. C'est Michael Lessard qui parle. On a Étienne Blondeau de l'équipe aujourd'hui. Salut. Bonjour, bonjour. Alors, voilà, moi j'avais pour idée de faire une espèce de revue de l'année 2014. Alors, j'ai tout de suite commencé à réfléchir à des catégories. Alors, le classique d'habitude, c'est de déclarer qui est la personnalité de l'année 2014. Mais dès que je me suis dit ça, je suis tout de suite revenu sur mon idée finalement. Je pense qu'il faudrait plutôt décerner un prix d'absence de personnalité cette année. Un prix que je remettrais à tous les employés de la CIA ou du gouvernement états-unien ou de leurs contractants externes qui ont pratiqué la torture ou bien qui ont assisté à la torture, qui l'ont soutenu les efforts de torture et qui n'ont rien fait pour l'empêcher, pour le dénoncer, pour arrêter la situation. Et pourquoi je parle d'une absence de personnalité? C'est que c'est bien simple. C'est pas des personnages qui auraient été mis en prison s'ils s'y étaient opposés, dans le sens que s'ils avaient démissionné plutôt que de poser des gestes. Il n'y aurait pas eu de conséquences immédiates et terribles pour leur personne, à part quoi perdre un régime de retraite comme employé dans ces instances-là, peut-être. Ouais, mais je comprenais à fond, perdre son emploi quand il s'agit d'empêcher la torture, peut-être ça vaut la peine. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense parce que qu'on est confronté à un acte, que ta job, c'est de commettre les actes qui ont été détaillés dans le rapport qui a été rendu public plus tôt ce mois-ci. Là. Je pense que tout le monde en a entendu parler dans les médias. C'est des actes terribles, supposément, pour soutirer des informations. Et ces employés-là, vraiment, se voyaient comme la garde avancée des États-Unis, quasiment comme des soldats qui défendaient la sécurité de leur nation. Ouais, puis je mentionnerais, ce rapport-là nomme seulement les 109 ou 116 cas officiels. Mm-hmm. Il y en a en réalité beaucoup plus, là. Il y a beaucoup plus de cas. Je veux pas faire d'estimation. Non, je vais oser faire une estimation à partir des connaissances que j'ai, là. Ouais. Il y a sûrement des milliers de cas en réalité. Je veux pas exagérer non plus. Il y a des pays qui font pire, là. Mais je voulais te dire là-dessus, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est sûr que ça concerne tous les fonctionnaires du Québec, du Canada, de la Terre aussi. C'est pas toujours des cas de torture, on s'entend, là. Des fois, c'est des cas moins graves, mais on peut saluer aussi les fonctionnaires qui ont le courage. Oui. J'ai oublié son nom, mais je pense que c'est Sylvie Turcotte, je me trompe-tu, qui était de la fonction publique canadienne. Elle avait reçu une directive du gouvernement du Canada pour le chômage, l'assurance emploi. Elle l'a dénoncé aux médias, elle s'est fait prendre, elle a perdu son emploi. Ah, oui, oui. Mais on est plusieurs à estimer qu'elle a respecté son éthique professionnelle, à mon avis. Des fois, les fonctionnaires ont un rôle démocratique à jouer, là. C'est vrai, et c'est trop rare des cas comme ça, mais tout le poids est mis sur l'individu, hein. Il y a comme des pressions externes pour obéir. Alors, c'est vraiment, je dirais, des personnalités exceptionnelles qui, malgré la pression, font la bonne chose, finalement. Alors qu'elle, son emploi, c'était d'appliquer les règlements de l'assurance emploi. Son emploi, c'est pas d'obéir au doigt et à l'œil, il y a des directives. Mm. Et bon, ce qui a été souligné beaucoup dans les médias que je suivais états-uniens, là, c'est le fait que la population états-unienne était d'accord en un sens avec la torture, en majorité en fait, parce qu'ils croient que ça marche. Mmh. Alors, c'est terrible d'être forcé de le dire, mais ça ne marche pas la torture dans le sens que si tu essaies d'obtenir des informations d'un prisonnier, non, c'est pas en torturant que tu les obtiens. Quelqu'un qui subit la torture, il va tout simplement tout dire pour que ça cesse, c'est-à-dire inventer des fausses pistes, finalement. Okay. Donc, c'est ça, c'est pas une méthode qui fonctionne. Mais la CIA, elle, est-ce qu'elle a exprimé une opinion sur l'efficacité? Je dirais que des grandes personnalités politiques états-uniennes, comme par exemple Dick Cheney, là, qui était le vice-président et comme, disons, le cerveau derrière George Bush fils, lui est d'avis que ça fonctionne absolument. Il dit qu'il le referait, c'était à refaire. Oui, mais les experts, disons. les experts, il y a eu des consultants externes, des psychologues qui ont été employés par le complexe, c'est ça, d'intelligence américain, qui, eux, ont développé et enseigné à la CIA et aux autres des techniques d'investigation. Et le but, c'était de torturer pour provoquer un état de désespoir. Mm-hmm. En anglais, le mot, c'est « hopelessness mm-hmm. ». Donc, c'est pas pour obtenir directement les informations, c'est pour que l'individu soit finalement psychologiquement détruit et qu'il soit en total désespoir et que là, il soit manipulable et qu'il dise ce qu'on veut. Parce que juste pour dire l'évidence que nos auditeurs, auditrices savent probablement déjà, là, parce que ça a été dit souvent, là, mais c'est juste qu'en état de torture ou de désespoir, tu avoues, dis des choses qui ne sont pas vraies, tu perds la tête. Je veux dire, si on menace ta famille, à un moment donné, t'es prêt à tout, là, t'es prêt à mourir s'il le faut pour sauver les gens que t'aimes, donc c'est pas très fort. Non, en un sens, non plus. C'est un succès retentissant pour ceux qui ont initié ces programmes-là parce que leur but, c'était d'avoir justement des fausses pistes qui auraient lié l'Irak de Saddam Hussein aux attentats du 11 septembre, alors qu'il n'y en avait pas de lien. Mais si tu tortures des individus du Moyen-Orient simplement parce que tu as des soupçons à leur objet et finalement, sous la torture, ils disent ce que tu veux entendre, ça a permis d'obtenir des faussetés. Il va falloir abréger sur ce point-là, mais je veux juste rappeler à tout le monde une autre évidence. Lorsqu'il y a un programme ou une méthode de torture connue par un État et qui est appliquée, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Oui. Par contre, on est biaisé. Hein? Quand un pays occidental comme les États-Unis ou autres ont un programme qui ressemble à de la torture, tout à coup, on n'appelle pas ça un crime contre l'humanité. Par contre, si c'est un régime africain, là, bien sûr, tout le monde comprend que c'est un crime contre l'humanité. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. C'était un crime contre l'humanité. C'est exactement ça. Et souvent, pour avoir l'impression de ne pas avoir de sang sur les mains, ils confiaient leurs prisonniers à d'autres régimes, comme par exemple Égypte ou Syrie, Syrie, que ce soit commis par d'autres pour eux. Ensuite, je m'arrête sur ce point-là et très rapidement, moi, je veux parler de l'événement de l'année 2014 parce qu'il y a vraiment quelque chose de très impressionnant qui s'est produit. Et finalement, c'est une espèce de dégel dans la relation entre les États-Unis et Cuba parce que cet embargo-là des États-Unis sur l'île de Cuba, ça a commencé en 1960. Je veux dire que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui, de leur vivant, là, depuis leur naissance, on est dans une situation où il y a un embargo sur Cuba. Alors, si très tranquillement Les deux gouvernements sont en train de se parler. C'est révolutionnaire, je dirais. Là, il y a eu Obama qui a parlé au téléphone avec Raúl Castro, le petit frère de Fidel Castro que vous connaissez. Un petit jeune de 83 ans qui est présentement président de l'île. Wow. Alors, voilà, ça recommence à se parler après des décennies et des décennies. Moi, je m'y attendais pas, certainement pas avant la mort de Fidel Castro. Ouais. Monsieur, ben, je vais oser exprimer l'opinion que M. Castro était un peu rigide. À mon avis, il n'y a pas grand-chose qui changeait. Oui, c'est vraiment un individu d'un autre siècle des combats révolutionnaires. Faut pas être trop têtu, non, mais bon. Ouais. Je critique pas le régime, je critique pas le socialisme cubain, là. C'est pas ça l'idée. Bon. Oui, est-ce que, ben, dans le fond, on va aller en pause musicale, puis on va revenir avec nos prognostics pour 2015. Bon, évidemment, vous avez deviné le nom de la chanson. C'est par le groupe Zebda. C'est une chanson assez populaire, disons, dans les mouvements plus à gauche. Oui, Zen. Oui, donc on reprend. Là, maintenant qu'on a parlé un peu de l'année 2014 qui s'achève, on peut parler de ce qu'il faudrait surveiller pour les prochaines années. pour 2015. Moi, je vais commencer en parlant du Québec. Donc là, on a le gouvernement du PLQ qui essaie d'appliquer ce qu'ils appellent l'austérité, finalement. Et il faut se demander quelle opposition il va y avoir, là, ou quel parti va être l'alternative crédible. Alors, ce qu'il va falloir surveiller de près, c'est évidemment celui dont tout le monde parle, hein, PKP, qui est un candidat majeur à la chefferie du PQ, pour peut-être faire l'alternance au pouvoir, on ne sait pas encore. Alors, il faut essayer de comprendre ce personnage-là de PKP, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il est entré sur la scène politique, il se laisse désirer, finalement. Hein. Il laisse pas mal de mystères sur ce qu'il veut faire, sur ce à quoi il pense, à quoi il croit. C'est pas clair comment le Québec serait gouverné par un PKP qui arriverait triomphalement, ou on va savoir. Okay. Donc, dans le fond, il y a un questionnement. Tu sais pas trop c'est quoi le fond de sa pensée politique. Qu'est-ce qu'il va faire vraiment si... J'ai l'impression qu'il évite de se compromettre, parce que c'est ça, c'est stratégique. Là. Si t'es pressenti comme gagnant par les sondages, pour ce qui est de la chefferie, je parle, si tu te compromets en te disant que t'es pour quelque chose, contre quelque chose clairement, ça se peut que tu commences à heurter des gens et finalement à baisser. C'est que vaut mieux finalement se taire. Ouais. Il faut voir aussi que c'est un sujet d'intérêt public. T'sais. Au-delà des partis, c'est un phénomène, dans le sens qu'on est un personnage archi-puissant. Oui. Propriétaire d'un des deux grands consortiums médias du Québec. Donc, c'est sûr que c'est à tout le moins intéressant pour tout le monde à travers la Terre, même, d'observer ce genre de phénomène-là, qui est un peu rare au Québec. Ça, on voit plus ça souvent aux États-Unis ou au Mexique ou ailleurs. Là. Ben, même là, son cas est pas mal incomparable. Là. Il y en a qui essaient de le comparer à Berlusconi comme grand possédant là, de médias, mais lui, ça... part du marché est tellement immense que il est au-delà de Berlusconi, finalement. Mais moralement, j'oserais comparer personne à Berlusconi. J'ai mal prononcé son nom, mais à ce monsieur de l'Italie, là, faut le dire. Ouais. En tout cas. Je faisais la comparaison pour ce qui est du côté économique, pas de la personnalité. D'ailleurs, pour ce qui est de la personnalité, moi, la lecture que je recommande à tout le monde, c'est la série d'articles de l'autre journal. Ils ont fait ce qu'ils appellent le dossier PKP en quatre parties, dont la dernière partie que je lisais récemment, qui parle, qui finalement se demande s'il est si souverainiste que ça, PKP, est-ce qu'il n'est pas un souverainiste mou finalement, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers. Et ça, c'est de la part de l'autre journal, qui est quand même assez sympathique au PQ et au Bloc, par exemple. Ouais, il faut le dire. Donc, c'est intéressant. Faut le dire parce que lui, par exemple, il a acheté Sun Media, une série de journaux et de médias au Canada anglais. Après quoi, il a créé la chaîne de télévision Sun News, une espèce d'équivalent canadien-anglais de Fox News que vous connaissez peut-être aux États-Unis. Alors voilà, c'est Sun News qui, je l'ai regardé dans les premières émissions de cette chaîne-là, j'écoutais ça, et qui est assez anti-bloc, qui est à chialer contre le bloc ou Dieu sait. Quasiment à chaque jour. Ils sont sûrement pas très sympathiques au NPD non plus. Là. Non, ils sont du genre à dire textuellement que Harper est leur homme. Okay. Et l'homme de leur situation pour ce média-là. Alors, voilà. Rappelons qu'il y a des élections fédérales en 2015, normalement. Oui. Il nous reste une minute avant la pause musicale. Oui, rapidement, moi je repassais sur un événement important. À l'international, cette fois-ci, c'est le pétrole. Vous êtes peut-être au courant que les prix de l'essence semblent baisser ces temps-ci. C'est parce que le prix du baril est en chute libre presque. C'est que l'Arabie Saoudite serait vraiment confortable avec l'idée que le prix du baril baisse. Comme ça, tous ses compétiteurs mourraient. Il y a juste l'Arabie Saoudite qui peut se permettre de produire des barils de pétrole à Cuba. Tandis qu'aux États-Unis, c'est du pétrole de schiste. Quoi qu'on devrait dire, pétrole de shale, eh bien, ça, c'est quelque chose qui coûte environ 70$ à produire. Le baril est déjà en dessous de ça. J'ai regardé ce matin, il est à 60$ le baril, environ. OK. Alors, ça pourrait aussi tuer l'industrie des sables bitumineux, qui coûte encore plus cher. Des fois, ça atteint 100$ de coût de production, le baril. Imaginez si ça descendait jusqu'à 20$. Okay. J'avoue que je ne verserais pas beaucoup de larmes pour l'industrie pétrolière, étant donné que, comme je l'ai dit souvent, et comme on le dit souvent, il faut faire un virage, il faut commencer à pousser plus fort. Mais ça peut avoir un... Malheureusement, les amateurs de gaz de schiste, eux, pourraient en profiter, c'est ça? Il faut dire que j'ai pas trop surveillé le prix du gaz, mais c'est sûr que c'est des techniques, compliquées et intenses. Hein? Faut fracturer la roche pour extirper le gaz, faut employer de l'eau pour pomper le gaz hors des failles. c'est coûteux à produire. Et tout ce que je dirais, c'est ça, c'est qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. OK. Des énergies fossiles. On passe à la pause musicale. Après ça, il y a des publicités, mais je vous introduis la chanson Lightning Strikes. En fait, c'est la chanteuse Emily Haynes qui prête sa voix à une vidéo animée pour Goldilocks. Goldilocks, c'est pas rien. C'est une compagnie qui fait des jeux et jouets qui encourage les filles à envisager une carrière en ingénierie. C'est assez passionnant. Vous allez voir le site de Goldilocks, là. Ils ont une passion et c'est beau à voir. Alors, voici la chanson Lightning Strikes. And it looks like everyone's coming out for the big race in their best homemade derby cars. And they're off! Industryville wins! Ooh. It looks like Goldilocks' car hasn't even started. Sorry, Goldie. Maybe tomorrow. Transatlantic hit gigantic lightning strikes me. Step into the spotlight. Feeling like I'm 10 feet tall. Line them up and watch them fall. It's automatic like a bandit. Ring mechanic lightning strikes me. Step into the spotlight. Everybody wants to see. Watch us making history. Here we go. Just try 10 more times. So what if I jump up, jump at my head slow down, I'm too fast for that. Just go, go, go. I know it's a long shot. Go, go, go. I'll give it what I've got. Go, go, go. Whatever it takes, I know. When there's a will, there's a way, yeah. Ooh. Il mélange les spermes du mari d'une quantité qui est fixe et les spermes du mari fertilisent l'œuf, la femme, la mère. Vous écoutez CKRL. Outre l'intérêt des enfants à naître, l'espacement raisonnable des naissances constitue aussi un facteur essentiel pour l'équilibre du couple, pour la santé physique et mentale de la femme et pour son épanouissement. L'insécurité est la chose la mieux partagée du monde. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 17 décembre au 11 janvier, le Cercle des auteurs de la Relève de Québec occupe la galerie de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste avec l'exposition littéraire Fragments. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Ceci est un message d'intérêt public. Pour le temps des fêtes, on vous souhaite de couper le Wi-Fi et de parler avec les gens qui sont là. Une sensation vintage vous envahira. Ce message n'a pas été payé par le gouvernement du Canada, mais par le triplex suspendu. Passez de joyeuses fêtes! Ah, toi et moi, le triplex suspendu, c'est pour la vie. Pour Noël, offrez-vous du temps en vous procurant des plats préparés à la Fournée Bio, la boulangerie artisanale de Limoilou. Essayez nos pâtés à la viande de grand-mère, nos bûches traditionnelles faites de pâte blanche garnies de confiture maison et de crème au beurre et chocolat, ou encore notre bûche classique à l'érable. Toutes nos bûches sont disponibles en format mini, moyenne ou grande. Réservez vos plats et desserts à la Fournée Bio au 88 522 44 41 ou bien au 1296 3e Avenue à Limoilou. CKRL 89.1. Alors, bienvenue à l'émission Le Grain de Sable de Attaque Québec sur les ondes de CKRL. Donc, en deuxième partie, on va faire une revue des grands mouvements populaires, on pourrait dire, qui eux sur la Terre, on peut pas toutes les nommer, c'est impossible, on fait juste quelques minutes suivies de musique, mais il y a quelques grands mouvements qui ont retenu notre attention. En particulier, je vous dirais, il y a à Hong Kong. Rappelons qu'à Hong Kong, pendant 155 années, ils ont été indépendants, mais que maintenant, ils font partie de la Chine depuis 1997. Le gouvernement chinois voulait vouloir décider quelle candidature était acceptable ou non lors des élections, entre autres choses. Et en réaction, il y a des étudiants qui ont lancé un mouvement qui ont appelé Occupy Central. Donc, évidemment, en clin d'œil au mouvement Occupy. Une partie de la population les a appuyés. Il y a eu la répression, et comme ça arrive souvent à ce moment-là, c'est devenu un mouvement massif, vraiment très populaire, là, vraiment des centaines de milliers de gens ordinaires sur la rue, qui ont surnommé la révolution des parapluies, parce que visuellement, il y avait des milliers de parapluies que les gens utilisaient pour se protéger des canons en haut de la police. D'ailleurs, le 1er juillet 2014, 500 000 personnes ont défilé pour en faveur de la démocratie, et c'est un défilé maintenant qui est annuel. Étienne, je pense que tu peux ajouter quelque chose au sujet de la Chine, peut-être? Au sujet de la Chine, je pensais pas personnellement, quand je voyais ces événements-là se dérouler, que vraiment ça allait faire, que ça allait changer la ligne du Parti communiste, qui, je dirais, a toujours le vent dans les voiles. Moi, j'ai l'impression que ça risque d'être de très belles années à venir pour ce régime-là en Chine, qui, je dirais, a très bien joué ses cartes pendant l'année 2014. Si je résume très vite, la Chine est dans une position avantageuse parce que il n'y a pas de guerre à prévoir dans cette région-là, je dirais. J'ai été allé à des conférences d'experts. Il n'y a pas raison de croire qu'il y aurait des conflits entre la Chine ou ses voisins qui ont un discours agressif, comme par exemple le Japon ces temps-ci, ou Taïwan qui parle un peu plus de souveraineté ces temps-ci. Il n'y a pas de raison de croire qu'il y aurait une guerre ouverte avec ces voisins-là. Mm-hmm. Il y a aussi le fait qu'il y a des grandes alliances qui commencent à se tisser avec la Chine et la Russie, par exemple. La Russie qui a été pas mal écartée de la communauté internationale cette année. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle tombe dans les bras de la Chine. Il va finalement devenir son pompiste, je dirais. Lui fournir du gaz et du pétrole à des prix bas, finalement. Si tout le monde boude la Russie, eh bien, il va devenir le copain de la Chine, finalement. Ouais. Et la Chine prépare aussi des grands accords économiques d'investissement avec l'Inde et devrait avoir un grand partenariat. Donc, je dirais qu'ils se tissent un réseau d'alliances assez impressionnant. Et pour terminer là-dessus, d'ailleurs, on dit que la Chine est cette année la première puissance économique mondiale. Si on regarde vraiment le chiffre, le PIB, même si je dirais que le PIB ne dit pas tout, mais bon, il a dépassé les États-Unis, finalement, c'est cette année que ça s'est passé. Ben, je pense que la bonne nouvelle que moi je vois dans tout ça, c'est que la Chine, puis très puissant, comme tu le mentionnes maintenant, n'est pas agressif, fait pas de menace, il n'est pas axé sur la conquête militaire. C'est ça. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Je veux dire, on peut critiquer la Chine si on veut, là, mais tant mieux si c'est pas une approche violente. Voilà, moi je pense qu'il faut s'en réjouir de ça. Donc, on passe en pause musicale avec... En fait, c'est une modification de la chanson « Dégénération » que vous connaissez sûrement. Si je ne me trompe pas, c'est le groupe Mes Aïeux qui a fait « Dégénération ». C'était des étudiants et étudiantes du cégep de Sherbrooke. Ils ont fait une modification de la chanson qui est très appréciable. Ton arrière-arrière-grand-père, il a découvert la terre. Ton arrière-grand-père, il a encrassé la terre. Et puis ton grand-père a commercialisé la terre. Puis ton père, il l'a noirci pour l'amour des pétrolières. Et puis toi, mon petit gars, tu respires des restants d'air. En cultivant le cancer, l'or noir a une odeur amère. Il te vient des envies de virer tout à l'envers. Quand tu rêves la nuit, de t'endormir sans somnifère. Ton arrière-arrière-grand-mère savait rien du mauvais vent. Ton arrière-grand-mère s'inquiétait pas des polluants. Et puis ta grand-mère voyait l'orage prendre son élan. Puis ta mère a vu la crise quand le smog est devenu pesant. Et puis toi, ma petite fille, tu changes pas grand-chose pour autant. Quand tu te sens coupable, tu te consoles en disant que les autres sont pareils, que rien change en attendant. Mais tu rêves la nuit d'avoir une pour tes enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a bâti des voies ferroviaires. Ton arrière-grand-père a pavé des années routières. Et puis ton grand-père a griffonné un avenir vert. Ton père en a hérité, mais il a étouffé la foi. Et puis toi, petite jeunesse, tu vois l'arnaque devenir trop claire. Pas moyen de dire un mot, la parole est aux millionnaires. Pour calmer leur pays, cache l'évidence sous la terre. Mais toi tu sens sous tes pieds que la tumeur a besoin d'un. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment s'allier. Tes arrière-grands-parents ont parlé contre les maris. Mais tes grands-parents, la vague noire les a submergés. Tes parents ont pris le bateau, c'est là que ça l'a fissuré. Et puis toi, mon ami, laisse pas notre terre se réchauffer. Sors ta voix, tes mains, tes pieds, faut pas rester paralysé. Heureusement que dans vie, certaines fractures nous font bouger. Enfile tes plus chauds habits. Car ce samedi, on va crier. Vous êtes à l'émission Le Grain de Sable sur CKRL. On fait un bref topo des grands mouvements populaires citoyens qu'il y a eu sur la Terre en 2014. On les nomme pas toutes, évidemment. Mais il y a eu quand même un grand sommet sur le climat, en fait surtout une grande marche des peuples qui a réuni 400 000 personnes à New York. C'était du jamais vu, du moins aux États-Unis. Et il y a des gens qui ont manifesté dans 178 villes à travers le monde, incluant Montréal et Québec. Aux États-Unis, on peut pas ignorer la situation à Ferguson, entre autres choses, là, entre autres régions des États-Unis, où il y a un mouvement populaire qui, non seulement dénonce le fait que les abus ont tendance à être commis contre les minorités visibles, mais aussi dénonce fortement l'impunité de la police. Donc, ça rejoint beaucoup de gens. Évidemment, l'impunité de la police, ça nous concerne aussi au Québec et au Canada. Hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Gaza et le monde. Il y a eu des manifestations à travers la Terre lorsque il y a eu des bombardements israéliens qui ont tué plus de 2150 personnes, dont 500 enfants à Gaza. Du côté d'Israël, on dénombre 6 personnes civiles tuées et 66 soldats sont décédés. Au Mexique, vous êtes peut-être que vous le savez, là, il y a un cas où il y a environ 50 étudiants disparus. Souvent, on dit 43. Moi, je dis 50 parce qu'on ne compte pas les 6 qui ont été assassinés en partant et qui n'ont pas disparu. Ont été assassinés dans la province de Guerrero. et par des policiers corrompus qui étaient liés à la mafia. Et ça a éveillé une grande gronde populaire massive au Mexique, parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà plus de 22 000 personnes qui ont disparu depuis 2006. Disparu, ça veut évidemment dire kidnappé, torturé, souvent assassiné. Et donc, il y a eu plusieurs petites manifestations à travers le monde aussi de solidarité, incluant à Québec. Burkina Faso. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, mais il y a quand même eu un soulèvement populaire, une révolution en octobre 2014. C'est que le chef d'État modifie la constitution pour se donner le droit de faire un cinquième mandat après 27 années au pouvoir. Finalement, la révolte populaire a mené à la dissolution du gouvernement et du parlement. Le chef en question a fini par démissionner. En novembre 2014, il y a un gouvernement de transition qui s'est mis en place, donc tout récemment. En fait, c'est des gens qui se sont autoproclamés le gouvernement de transition, mais il semble qu'ils ont un peu la confiance des gens et ils préparent, semble-t-il, les prochaines élections. Au Québec, évidemment, il y a eu de grandes manifestations citoyennes, recours juridiques devant les tribunaux, pétitions, opposition de 50 municipalités québécoises au projet de TransCanada autour de Kakuna. Finalement, le gouvernement Couillard a finalement imposé 7 conditions avant l'approbation de ce projet. C'est à surveiller encore. Et évidemment, il y a aussi au Québec de grandes vagues de critiques des politiques d'austérité. Mais je voulais préciser que ça, je trouve ça important de mentionner que ça va au-delà des manifestations, des mouvements sociaux. Je pense que c'est ça qui est intéressant. À la télévision, à partir de nos chroniqueurs, nos journalistes, il y a beaucoup de gens qui trouvaient qu'il y avait un certain amateurisme ou une certaine improvisation dans les politiques de M. Couillard. Donc, je ne sais pas, Étienne, si vous voulez ajouter quelque chose à tout ça? Moi, je pourrais peut-être en terminant parler d'un autre cas, celui de l'Inde, qui a aussi eu des grandes manifestations ou, je dirais, un grand mouvement contestataire cette année. C'est dans le cas de la culture du viol, c'est les femmes qui essaient de manifester pour faire changer les mentalités et dénoncer les crimes faits contre les femmes. Et je pense que ça me permet d'aborder aussi le sujet de l'Inde en général, finalement, un autre pays qu'on dit être une puissance montante, que je voudrais quand même distinguer de la Chine, parce que je crois que l'Inde a plus de difficultés dans les années à venir, aura plus de difficultés devant elle que la Chine, et de loin. D'abord, bon, cette culture-là de viol dont je parlais, des grandes difficultés économiques, une pauvreté assez répandue, assez extrême. Il y a aussi quelque chose qui ressortait récemment dans les médias, un problème de maladie, surtout chez les enfants, de bactéries qui résistent aux antibiotiques, finalement à tous les antibiotiques connus. Il y a eu en 2013 une étude qui disait qu'il y avait 58 000 morts de nouveau-nés qui étaient dues à des bactéries qu'on ne pouvait pas guérir, ce qui est franchement inquiétant quand aucun médicament ne fonctionne. Alors, il faudra voir si le gouvernement, qu'il y a beaucoup d'espoir ce gouvernement-là, du premier ministre qui s'appelle Narendra Modi, là, qui a été élu récemment, dont le but était de moderniser l'Inde. Alors, on lui souhaite beaucoup de succès parce que les difficultés sanitaires et au niveau de la pauvreté, notamment, sont grandes. En même temps, les gens en Inde ont quand même des forces aussi intéressantes. Ils ont un côté innovateur, ils ont une certaine indépendance, ils ont développé leur propre culture à travers le capitalisme. Ils ont quand même développé leur propre manière de faire. C'est vrai. C'est que, ouais, il y a quand même de l'espoir. En tout cas, il y a beaucoup de bouillonnement en Inde, ça c'est clair. Ah, je te remercie d'ailleurs d'avoir mentionné la question de la culture du viol, si on veut, ou toutes les dénonciations qu'on voit surtout dans les réseaux sociaux. Donc, évidemment, Internet égale souvent États-Unis, Canada. Là, on les voit surtout là, au Québec aussi. Donc, c'est peut-être pas des manifestations sur la rue, mais tu as raison de le mentionner. C'est un grand mouvement, là, actuellement. Un dialogue, oui. Donc, on y va en musique avec la chanson « Only Once » de Wax Taylor. Take it easy, don't get excited. as I really am. I don't understand. It's not easy. And that's something nobody can change, not even you. You could become a serious composer. And what if you become a jukebox hero? Après la messe demain, il fit un signe de croix et lui baisa la main. Relève son jupon, cela est juste et bon. Relève dans son jupon, cela est juste et bon. Relève dans son jupon, juste et bon. Approchez, ma petite. Ne soyez pas timide, la messe a été dite, et maintenant, l'église est vide, laissez-moi vous chanter, le cantique des cantiques, il recèle les secrets de l'amour physique. Lève-toi mon ami, viens dans ma toute belle, entendons nos contrées chanter la tourte. Ça sent comme des fans jumeaux d'une gazelle. Tes lèvres fiancées distillent le miel, le roseau odorant et la caresse. ta vie ressortie au bout d'une heure et demie. Tout essoufflé, mal boutonné, retrouva son mari. Elle enfourcha son homme avec une petite face crasse. Il hurla merci mon Dieu au moment du climax. Ce qui s'est passé sous la chair restera un mystère. Tant pis pour les langues sales, tant pis pour les commères. Ils eurent 13 enfants, l'aîné se fit curer. Repeupler le pays, c'était sa volonté. Relève mon jupon, cela est juste et bon. Relève dans mon jupon, cela est juste et bon. Relève dans mon jupon, juste et bon. Relève mon jupon, cela est juste et bon. Relève dans mon jupon, cela est juste et bon. Relève dans mon jupon, juste et bon. M'envahir, dicter mon présent. Je m'en trouve victime de mon propre choix sans énervant. On m'a pas donné la clé. Du coup, je me suis laissé éduquer dans des scénarios mauvais, en croyant que j'étais juste un être sans pouvoir, sans magie, sans rien. Quand j'étais petite, je ressentais la vie beaucoup plus vivante que ce qu'on m'avait appris. Vie pleine de sens, je la voyais comme un terrain de jeu. J'y construisais des rêves, elle réalisait mes jeux. En reflet, j'ai eu l'interdiction, la répression et la peur d'aimer. J'ai voulu correspondre au désir de l'autre pour lui faire plaisir et me suis oublié. Where the sunshine and the gun into your heart. Where the mine and the gun into my. Where the sunshine and the gun into your heart. Where the mine and the gun into your. Quand les gens me disent que je suis naïve, ou même que mon discours utopique, je les laisse dire, je leur donne mes mains sourire. Je n'oublierai plus pour les rassurer dans leur peur d'agir. Une autre vision du monde, l'essentiel de s'écouter. Faut bien commencer, alors j'assume ce que je pense qui t'a dérangé. Where the sunshine and the gun into your heart. Where the mine and the gun into my. Where the sunshine and the gun into your heart. À l'intérieur, les miracles sont juste des événements en dehors de nos croyances normales. L'âme brille à l'intérieur, les miracles sont juste des événements en dehors de nos croyances normales. J'étais en fille, j'avais mal grandi, sans croyance, sans foi, prendre le choix d'une autre voie. Et voilà que tout s'ouvre à moi. Et bonheur, retrouver confiance en soi, là était si simple solution. L'antidote de son propre poison. Comment peut-on rester insensible? Comment peut-on, comment est-ce possible? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Let the sunshine and go to your heart. Let the mind and go to your mind. Let the sunshine and go to your heart.

jeu! Nous sommes samedi, il est 14h, et bienvenue à cette nouvelle édition, sinon la dernière de 2014, des Geeks contre-attaque. Nous sommes le 27, fait que c'est difficile d'en faire une autre. C'est ça, 27 décembre, c'est pas mal notre dernière. Ben sinon, il va y avoir le 34 décembre. Le 34, ou si vous préférez, le 3, c'est ça? Je sais plus. Le 34. Ouais, c'est ça, le 34. OK, bon. En tout cas, bref, on vous en reparle dans l'émission. Donc, je crois que ce serait tout à fait à propos aujourd'hui de vous parler de nos coups de cœur de 2014, tout ça. Donc, mon nom est Éric Lajoie. Simon Boucher qui est en face de moi. Oui, je suis en face de toi. Tout à fait. Ouais, je le dis physiquement parce que... C'est pour que les gens à la maison